Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans Caprice de lecture où aujourd'hui je reçois, je dirais, un quasi habitué de nos studios parce qu'il s'agit de Christian Schott. Bonjour Christian. Bonjour Sarah. Tu nous avais déjà rendu visite en mars-avril, je crois. Oui, au printemps dernier. Pour L'Orage, ton premier livre. C'est ça. Et tu reviens aujourd'hui avec ton deuxième ouvrage, ton deuxième roman qui s'appelle Mauvais réflexe, toujours aux éditions Execo. Oui, c'est ça, c'est le deuxième polar. Quoi. Ouais. Alors, je suis ravie de te revoir, j'étais vraiment enchantée de lire Mauvais réflexe. Alors, principe de l'émission, Christian, ça n'a pas changé. 5 questions qui te sont totalement dédiées, 2 coupures musicales que tu as choisies, oui. Tu nous expliqueras pourquoi quand elles seront annoncées, et le caprice de la semaine que je vais présenter cette semaine. Christian, es-tu prêt ? Je suis prêt. Tu es plus que prêt. Oui. Alors, après L'Orage, justement, donc tu reviens avec Mauvais réflexe depuis septembre 2022, si je ne me trompe pas, il est édité depuis septembre. Il a été édité en septembre, c'est ça. D'accord. Oui. Est-ce que Bolitch te manquait ? Bolitch, oui, m'a manqué. Curieusement, ça m'a manqué et je n'avais pas prévu qu'il me manque. D'accord. Mais c'est la directrice de la maison d'édition, Laurence Schwalm, qui est aussi directrice de la collection Rouge, qui m'avait suggéré dès le premier de continuer avec ce personnage. Ce que je n'avais absolument pas prévu. Et ben, je me suis pris au jeu, enfin, et je me suis pris à... Ouais. Et Bolitch, du coup, m'a manqué. Et ah, je super. Le retrouve pratiquement tous les jours. Ah, c'est génial. Ah ouais, c'est génial, c'est comme un rendez-vous. Ouais, ou voilà. Comme un vieux copain qui va partout avec toi. C'est ça. Ah, c'est chouette. Et c'est vrai que c'est... Voilà. Alors, après une explosion dans L'Orage, là, tu reviens avec le corps sans vie d'un technicien qui est retrouvé dans une salle. Est-ce que, moi, quand j'ai commencé à lire le livre, t'avais envie de donner une autre construction policière ? Parce qu'en fait, au départ, L'Orage, bon, ok, c'est une explosion, voilà. Là, c'est vraiment, on est un peu comme dans les vieux scénars, tu sais. Il y a un corps sans vie, qui est le coupable, en fait ? Qui est le coupable, voilà. Et pourtant, c'était... Hein, il y avait porte close, etc. Oui, c'est vrai que c'est ça. En même temps, L'Orage, je l'avais écrit en fin des années 90. Ouais. Et je l'avais donc... j'avais essayé de me faire publier au moment du confinement. Et là, c'était dans la foulée de L'Orage que j'ai écrit Bolitch. Donc, il y a aussi une vingtaine d'années qui ont passé. J'ai aussi vécu, mûri, etc. Ouais, ouais. Et ça peut expliquer aussi en partie la construction du livre. En plus, le décor, c'est quelque chose que je maîtrise un peu, puisque je suis un des organisateurs du Jazz Pod Festival à Thionville. Et ça donc, se sent. Je me suis retrouvé en pays un peu ça se connu. Sent, t'es chez toi. Je suis quand chez moi. Quand t'écris, t'es chez toi. Comme j'ai été chez moi dans le précédent bouquin, dans un village où j'ai vécu, ouais. Je crois que j'ai besoin d'avoir au moins une assise, quelque chose un décor que je maîtrise, que je connais à peu près. Et après, je joue là-dedans, quoi. Ok, puis en plus, ça te permet aussi peut-être de faire évoluer tes personnages en toute liberté. T'as pas de... Complètement, j'ai pas de contrainte autre. Voilà. Ça, je maîtrise. Le reste, parfois, ils vivent tout seuls, j'ai l'impression. Alors, on va faire tout de suite une première coupure musicale. Donc, tu as choisi Charles Trenet, Le piano de la plage. Pourquoi ? Sûrement parce que j'aime Charles Trenet, mais j'ai choisi, et le morceau suivant aussi, c'est des choses des goûts que je partage curieusement avec Bolitch aussi. Donc voilà, c'est un écho. Ça te tient à encore une fois avec le personnage. Ok. Voilà. Alors, on écoute tout de suite Charles Trenet. Le vieux piano de la plage ne joue qu'en fa, qu'en fatigué. Le vieux piano de la plage possède un la qui n'est pas gai. Un si cassé qui se désole, un mi fané qui le console, un dos brûlé par le grand soleil du mois de juillet. Mais quand il joue pour moi les airs anciens que je préfère, un frisson d'autrefois m'emporte alors dans l'atmosphère. D'un grand bonheur dans une petite chambre, mon joli cœur du mois de septembre, je pense encore, encore à toi, domicile-là. Le vieux piano de la plage ne joue qu'en sol, qu'en solitude. Le vieux piano de la plage a des clients dont l'habitude est de danser le samedi et le dimanche. Les autres jours, seuls sur les planches, devant la mer qui se souvient, il rêve sans fin. Et c'est alors que je sors tout courbattu de ma cachette, et que soudain dehors, tremblante, émue, devant lui je m'arrête. Et c'est inouï, tout ce que je retrouve, comme cette musique jolie m'éprouve, me fait du mal, me fait du bien, je n'en sais trop rien. Adieu, adieu, piano, tu sais combien peuvent être cruels ces notes que tu joues faux, mais dans mon cœur, ouvrant ses ailes, s'éveille alors la douce rengaine de mon heureux sort ou de mes peines. Lorsque tu tapes, tapes toute la semaine, mais le samedi, quand les jeunesses débarquent, tu sais alors, brigand de la plage, que ton souvenir les marque et qu'un beau soir, passé le bel âge, un autre que moi, devant la piste, s'arrêtera là et sera triste en écoutant le cœur battant l'air de ses 20 ans. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour pour cette deuxième partie d'émission, toujours en compagnie de Christian Schott pour son deuxième roman « Mauvais réflexe » et « Les aventures de Bolitch ». Alors justement, Christian, dans l'orage, Bolitch, c'était un peu notre Columbo à nous du Grand Est, toujours tout seul, toujours un peu taciturne, un petit peu grincheux de temps en temps. Et là, il se retrouve avec un coéquipier qui s'appelle Maggioli, j'ai bien prononcé ? Oui, je pense voilà. Italien, pure souche, qu'on imagine, d'ailleurs il le dit, hein, Bolitch le dit dans le roman, donc Bolitch évidemment sous l'écriture de Christian, dit mais il n'avait pas un seul cheveu qui dépasse, toujours bien gominé, fou amoureux de Yolanda. Qu'est-ce qui t'a pris de faire cohabiter notre gars du Grand Est, toujours tout seul, avec ce bellâtre italien, amoureux de la femme au sens propre et très exubérant, je dirais. Oui, alors du Grand Est, c'est peut-être lié au Grand Est, parce que moi je suis donc du côté de Thionville, etc. Et j'ai plein de copains Rital, quoi. Plein. Et je pense que j'ai créé un personnage, je l'ai construit à partir de... En fait, parfois j'entends des copains, quoi. Et parfois certains sont de véritables caricatures. Alors c'est un aggloméré de potes, en fait. Parce que Maggioli, on l'imagine avec son costard trois pièces, super bien. Et je reconnais un peu comme ça. La chevalière au doigt. Et c'est ça, et c'est vrai que ça fait caricature, mais... Mais souvent, je trouve que la réalité, elle est beaucoup plus caricaturale que la fiction, tant dans les personnages que parfois, même dans les histoires. Quoi. Il faut même parfois édulcorer pour que ça soit crédible. Et des Maggioli, je crois que ça existe. Alors après, j'avais peut-être besoin de donner créer un deuxième personnage aux côtés de Bolitch. C'est un peu le capitaine Haddock, il y a plein de couples comme ça. Ouais. Et c'est vrai que j'ai mûri depuis, je me suis nourri aussi de lecture. Je pense que j'échappe pas non plus à tout. Quoi. Parce que c'était un peu un pari, tu vois, on l'attend encore tout seul quand on commence le livre. Et je me dis, faire vivre l'eau et le feu en même temps. Et j'ai envie aussi d'étoffer. Ce qui m'intéresse, moi, aussi souvent dans l'écriture, c'est justement ces personnages, c'est les décors, c'est des vies. Parfois plus que l'intrigue, qui peut même paraître assez mince, quoi. Mais c'est plus ça que j'aime faire. C'est plutôt une rencontre. C'est plutôt une rencontre, c'est des vies, c'est des... Ouais, voilà, c'est ça. C'est chouette, c'est super chouette. Ouais. Alors, début de roman, je ne vais pas spoiler ni le début ni la fin, mais Bolitch, il m'a mis un petit peu les larmes aux yeux parce qu'il attend des résultats d'analyse médicale et Bolitch, on s'y attache quand même très vite, il est proche de nous, c'est ce que tu disais. C'est ce que j'essaye en tous les cas de faire. Et du coup, on a une espèce de petit suspense là. Je me dis, mais est-ce qu'il a voulu lui donner une part d'humanité qui avait peut-être un peu moins dans l'orage ? Est-ce que il a voulu le rendre peut-être un peu plus accessible aussi, toucher une fibre plus sensible ou la fibre féminine du lecteur ? En tous les cas, moi, j'ai essayé d'étoffer ce personnage. Le premier, il était assez mince comme livre. Celui-là, il n'est pas épais non plus. Je veux dire, c'était un petit peu une nouvelle. Ouais. Où je pouvais pas m'étaler indéfiniment. Là, j'ai essayé de lui donner un peu plus de corps et je répète, moi j'ai 66 ans. Je veux dire, c'est du vécu, quoi. Des analyses, par exemple, de sang qui sont pas terribles. Quand on arrive chez le Toubib, on brille pas, quoi. Non. Et je n'ai pas voulu transférer ça peut-être sur Bolitch. Tu décris bien, tu dis, mais il y a des trucs surlignés en jaune, des résultats, on dirait des codes de la NASA. J'ai fait à partir d'un de mes résultats. Ah ouais, d'accord. Dire comme ça, il y a aussi de l'autobiographie. Il y a l'auto, enfin, il y a Bolitch, en tout cas, je m'appuie sur des choses. En fait, Bolitch, c'est Christian. Pas complètement, et parfois oui, et parfois non. Et dans les autres aussi, il y a du Christian, mais il y a aussi du Roger, du Bernard, de tout ce qu'on veut. Puis je crois qu'à la fin du bouquin, je dis que parfois je pique, que je happe des choses chez des gens que je croise, dans un café, partout. Quoi. Toi, t'es vraiment dans l'humain. T'es mais au-delà de ta construction narrative, t'es dans l'humain. Je pense. Ben, je pense, parce que c'est un peu aussi... Enfin, ma vie, c'est un grand mot, mais c'est vrai que je suis aussi militant d'Amnesty International. Bon, j'ai toujours été... J'étais délégué syndical, donc... Ouais. Ça, t'as fait beaucoup de rencontres. Ça doit transparaître. Bien dans, sûr. Voilà. Je comprends. Je m'en rends même sûrement pas compte moi-même, mais c'est ça, quoi. Ok. C'est, Mais c'est chouette. Moi, je trouve ça super chouette. Alors, on va faire une deuxième coupure musicale avec David Bowie. Tu as choisi Life on Mars. Ouais, c'est encore un titre que j'adore. Bah oui. Moi, c'est aussi ma génération. Et puis, Bowie, il aime le jazz. Et puis, je veux pas non plus qu'il soit complètement cantonné dans un type de musique. David Bowie, ça m'est parti aussi, comme il aime le baroque, comme il aime d'autres choses. Ouais, ouais. Et je retrouve encore une fois le personnage. Ok. Eh ben, voilà. C'est parti avec David Bowie. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Is there life on Mars? It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Blue Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the prise de lecture sur Fadjet. Dernière partie de ce caprice de lecture, toujours avec Christian, qui nous a dévoilé un petit peu ses secrets d'écriture pour son deuxième roman, Mauvais réflexe, aux éditions Ex Aequo. Alors Christian, par ce roman, moi j'ai l'impression que tu avais trouvé une certaine maturité dans l'écriture, une certaine aisance. Moi, je... Alors c'est un avis très personnel qui n'engage que moi. Est-ce que tu penses avoir trouvé ta voie ? C'est-à-dire que tu vas continuer dans l'écriture ? Est-ce que tu as d'autres projets en 2023, que ce soit alors, par le jazz, je sais que ça c'est ton premier amour. Est-ce que tu comptes combiner peut-être les deux, écriture jazz, écrire sur le jazz, pourquoi pas ? Est-ce que tu peux nous en dévoiler un peu plus ? Bon, bah, l'écriture, oui, merci déjà. C'est quand même plutôt des compliments, oui. sincères, on le sent bien, et c'est touchant. L'écriture, oui, je continue, je crois que je suis en écriture, en flow, pas en flux, mais en flow continu. Okay. Puisque j'ai entamé la troisième enquête de Bolitch, je m'aime bien l'entamer. Okay. Ça, c'est une chose. Le jazz, ben oui, ça continue, le festival de jazz reste dans l'organisation du festival de jazz, je suis toujours président de la sauce, quoi, jusqu'en début d'année prochaine, je pense que passer la main au bout de 20 ans. Mais je vais 20 continuer ans la... que ouais, tu fais ça. Je continue la programmation en tous les cas. Je suis toujours militant d'Amnesty International aussi, ça depuis 30 ou 40 ans, je ne sais plus. Ouais. Donc je vais continuer à m'investir sur les droits de l'homme, etc. Mais tu dors un jour ou pas? Oui, je dors. T'arrives je à... Bien, tu trouves du temps. J'ai la chance d'avoir... ma femme qui s'appelle Yolande, on fait beaucoup de choses ensemble. Ah, ça, super. J'écris tout seul. Ouais. Mais le reste, on partage tout ça. Ouais, ce qui est quand même beaucoup plus facile et sympa, quoi. Et j'ai des enfants aussi qui militent un peu, qui font des tas de choses. Ouais. Non, c'est un peu notre mode de vie aussi. Où on vit en couple, mais on vit aussi avec les copains. Avec, ouais. Moi, on a besoin de... Et pour les autres, parce qu'Amnesty International, oui, organiser un festival de jazz, mais c'est toujours en direction des autres. Ouais, c'est chouette. Je ne crois pas, moi, aux militants qui retrouvent rien, quoi. Je veux dire, aux gens... On s'y retrouve d'une autre façon. C'est vrai qu'on n'a pas de plan de carrière, on n'a pas d'argent, des machins comme ça, mais c'est pas ce qu'on cherche. Mais il faut aimer son contemporain. Il faut avoir envie de donner. Il y a tellement de richesses de croiser des gens dans le milieu associatif. Oui. Je croise des gens que j'aurais jamais croisé ailleurs parce qu'on ne pense peut-être pas la même chose ou politiquement, ou etc. Et à un moment, on se rend compte qu'on est très proche parce que humainement, il y a des choses plus fortes. Bien sûr. Et voilà. Quand tu as compris ça, tu as tout compris. Genre bien que. Ouais. Voilà. Ouais. Bon, voilà. Alors on va passer aux caprices de la semaine. Cette semaine, je vais vous emmener à Saint-Barthélemy avec Sophie Jomain pour son livre qui s'appelle « Les tortues ne fêtent pas Noël sous la neige ». Alors, oui, j'adore le titre. Oui. J'ai acheté le livre juste pour le titre. Et voilà, sous mes airs très sérieux, je suis une férue de littérature de Noël et de films de Noël. Voilà, c'est mon petit péché mignon. Alors, c'est quoi l'histoire ? C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Rosalie Ernst, qui est originaire de notre région, notre belle région alsacienne, qui a dû partir à Saint-Barthélemy après une rupture amoureuse pour être un petit peu, agente immobilière pour de richissimes vacanciers qui viennent habiter une villa pendant 4 mois avec des exigences complètement tordues. Alors, il lui arrive plein d'aventures, la neige, les sapins décorés lui manquent, mais bien évidemment, elle va rencontrer l'amour. C'est obligé dans ce genre de livre. Elle ne boit pas de lait de poule, mais des mojitos. Et en plus, elle va sauver des œufs de tortue. Donc, moi, je vous le conseille. C'est très rafraîchissant. Tout le monde est riche, beau et gentil, comme dans tout ce genre de livre. C'est édité aux éditions Charleston Poche. Et vous retrouverez la chronique sur capricesdelecture.fr. Merci, Christian, d'avoir été avec moi cet après-midi. Ça a été un vrai grand plaisir de te recevoir une deuxième fois. Peux-tu nous rappeler le titre de ton deuxième roman ? Mauvais réflexe. C'est bien toi. Je vous jure que j'ai écrit. Bon, mais pas le titre. Si. Moi aussi, j'aime Noël. Toi aussi ? Voilà. Ouais, ouais. C'est moi, je suis peut-être fan. Peut-être d'autres choses aussi, c'est pareil. J'aime bien. Je suis hyper fan de Noël. Bah, pareil. Merci à toi. Et merci à Sarah. C'est un vrai bonheur d'être ici et je reviendrai. Mais bon, ça, c'est sûr. Merci beaucoup. À très bientôt pour de nouveaux épisodes de Caprices de lecture. Au revoir. Au revoir.